Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio coups humains, un thème et 4 épisodes à 17h et même à 23h. Cette semaine, les débats de société à l'assaut de l'université. Une série de Christelle Le Polothèque réalisée par Somani Na. Au départ de cette série, il y a depuis 2018 des tribunes qui se succèdent pour dire l'inquiétude face à ce que certains perçoivent comme des attaques contre l'universalisme dans les facultés. Mais en fait, comment ça se passe en vrai dans les amphis ? Alors pour commencer, les personnages. Un démographe solitaire, un chercheur bourdivin, un historien dans l'institution, un chercheur accusé de militer, un historien qui se réjouit, une chercheuse qui se sent rejetée et des étudiants qui critiquent. Ensuite, le décor. Des statistiques interdites, la presse, Bruxelles, des conflits, des prises de conscience, l'écriture inclusive, la censure et la non-mixité comme un épouvantail. Aujourd'hui, deuxième épisode, c'est l'heure de la conférence. Alors, le titre de ma conférence s'appelle donc « Pour un féminisme décolonial ». Et puis, finalement, je me suis dit « Pour un féminisme décolonial matérialiste ». Alors, ça fait très lourd, donc du coup, j'ai juste gardé « Pour un féminisme décolonial ». Mais j'essaierai de montrer, en fait, au cours de cette présentation, justement, que peut être un féminisme décolonial matérialiste. Et encore une fois, notamment dans nos pratiques, puisqu'il s'agit toujours, évidemment, de croiser théorie et pratique. Climat orageux dans les amphis. Christelle Le Polothèque et Somani Na. Les polémiques sur le décolonialisme, l'intersectionnalité ou encore les questions de genre, de race qui agitent le monde médiatique mettent en cause de manière parfois très alarmiste le climat à l'université. Les étudiants seraient sous influence et des chercheurs accusés d'oublier leur vocation première pour se faire les porte-parole des minorités. Pour les signataires de l'appel des 80 intellectuels, publié dans Le Point, les décoloniaux cherchent à miner les principes de liberté d'expression et d'universalisme hérités des Lumières. Des critiques virulentes ont également été formulées du côté marxiste, comme Gérard Noiriel qui écrit, dans l'introduction de son livre « L'histoire populaire de la France », « Le projet d'écrire une histoire populaire du point de vue des vaincus a été accaparé par des porte-paroles des minorités » qui ont contribué à marginaliser l'histoire des classes populaires. Mais concrètement, quelle est la situation aujourd'hui à l'université en France et comment les chercheurs et enseignants en sciences sociales vivent-ils cette situation qualifiée d'alarmante ? Patrick Semon, vous êtes chercheur à l'INED et vous travaillez donc depuis 1993, notamment sur les questions des discriminations et sur la division sociale et ethnique de l'espace en France. Vous avez vu une évolution sur ces terrains-là au fil des décennies ? Oui. Ben, de façon assez évidente, au moment où moi j'ai commencé à travailler sur ces thématiques-là, il y avait une forme d'absence dans les recherches françaises. C'était des recherches qui étaient relativement confidentielles. Il y avait des travaux qui se faisaient sur le racisme ou sur les questions, précisément sur ces questions de quartier ethnique ou la cohabitation entre Français et immigrés. C'était comme ça qu'on le disait à l'époque dans ces quartiers. Et c'est là-dessus que moi j'ai commencé à travailler en faisant ma thèse sur le quartier de Belleville, sur les relations interethniques et interclasses. Donc j'étais quand même intersectionnel à ce moment-là aussi. Mais c'est vrai que le terrain la littérature en sciences sociales françaises était assez limité. Il y a toujours eu beaucoup de mal à développer cet axe de recherche. Et depuis 93, il y a eu de très grands développements qui ont suivi en partie aussi l'actualité sociale et politique. Et puis aussi les transformations démographiques de la population. La spécificité aussi, c'est ce choix français de ne pas utiliser de données statistiques sur la race, notamment. Alors ça, c'est une des explications pour lesquelles il y avait un retard assez conséquent en matière d'analyse des situations, des populations qui étaient racisées. Et comme moi je suis démographe, j'ai rencontré très très tôt cette problématique, puisque pour faire mes propres recherches, j'étais limité par le type de données auxquelles on avait accès en utilisant le recensement. Ben, on a des données qui sont préformatées par les questions qui sont présentes dans le recensement, c'est-à-dire le pays de naissance et puis la nationalité des personnes. Et donc les débats à la fin des années 90 étaient plutôt autour des descendants d'immigrés, c'est-à-dire comment on fait pour parler de ceux qui ne sont plus des immigrés, qui sont nés en France, qui sont français comme les autres, mais qui par ailleurs sont confrontés à des traitements ou à des situations ou à des trajectoires qui les distinguent du reste de leurs voisins de palier qui n'ont pas les mêmes origines. Et d'un point de vue statistique, la question était patente. On pouvait faire des travaux de terrain, des enquêtes, où on interrogeait des jeunes en signalant qu'ils étaient arabes, noirs ou quelques autres catégories, mais par contre dans les statistiques ils n'étaient pas visibles. Donc ça c'était une limite, et il y a eu des polémiques sur l'idée qu'il était non pertinent ou problématique d'identifier de façon plus directe les descendants d'immigrés, que c'est une façon de les assigner. Et donc cette controverse-là a duré un petit moment. Et en même temps, finalement, on a fini par s'habituer à recueillir un certain nombre d'informations sur les descendants d'immigrés. Et la polémique s'est déplacée vers les catégories de type plus ethno-racial, comme elles existent aujourd'hui aux États-Unis et en Grande-Bretagne, c'est-à-dire si c'est plus des descendants d'immigrés, c'est plutôt des groupes qui sont formés par la répétition d'une expérience minoritaire. Mais c'est maintenant de ça dont on parle. Dans le monde académique. Abdelali Hadjat, Université libre de Bruxelles. On a eu aussi une dynamique qui a rendu de plus en plus centrale la question raciale, et donc là c'est lié à des programmes de recherche qui ont été lancés. Je pense notamment au programme donc qui a été dirigé par Didier Fassin, programme Frontières, qui contenait en son sein toute une réflexion sur la question raciale, donc qui a débouché sur la publication du fameux livre De la question sociale à la question raciale, point d'interrogation. Donc moi j'étais à l'époque, j'étais doctorant, et j'avais participé un tout petit peu à ce programme de recherche. Il y en avait un autre qui était basé à Lyon, qui était intitulé Genre et Rébellion, qui portait aussi sur la question de la racialisation des rapports sociaux, qui était porté par Michèle Zancarini-Fornel, donc qui est plutôt historienne. On peut situer dans d'autres universités, dans d'autres endroits, des thèses qui se font sur cette question. Et donc c'est ça qui renvoie, il me semble, à une nouvelle génération de chercheurs et de chercheuses qui se saisissent de cette question dans la mesure où, pendant très longtemps, la question raciale, de manière générale, dans le champ académique, est restée quand même une niche, et très peu traitée en tant que telle, pour des raisons genre qui sont un peu compliquées à développer ici, mais qui renvoient au discrédit de toute forme de mise en avant du clivage racial par rapport à d'autres clivages sociaux. Et donc si vous prenez par exemple la tradition bourdieusienne, donc à laquelle moi-même je m'inscris, la question raciale a été traitée ponctuellement par le sociologue algérien Abdelmalek Sayad. Il parle du racisme, il parle de race en tant que concept qui clive et qui hiérarchise dans la société française et même dans l'État. Quand vous lisez les grands livres de Bourdieu, cette dimension de la race comme structure sociale qui hiérarchise et qui provoque des pratiques discriminatoires, inégalitaires de manière générale, c'est quelque chose qui relève plutôt de l'impensé. La configuration actuelle, on va dire le début 2020, elle est très différente de celle du début des années 2000, dans la mesure où, au début des années 2000, il y avait une forte politisation de la question raciale, de la question postcoloniale dans l'espace public, associée à une faible prise en compte de ces questions dans l'espace académique. Donc je pense que, en termes de périodisation, la période actuelle n'est pas comparable à la période des années 2000. Et c'est quelque chose qui est assez paradoxal. dans la mesure où la politisation est allée croissante, avec un ciblage de la part d'intellectuels de droite ou d'extrême droite, des recherches qui traitent des questions raciales. Et puis de l'autre, une certaine marginalité, tout de même, de ce champ de recherche dans le champ académique français. Christophe Prochasson, vous présidez donc le HESS. Comment vous les envisagez, ces questions-là? Écoutez, moi, évidemment, je ne suis pas, comme chercheur, spécialiste de ces questions-là, mais elles sont très présentes à l'École des hautes études. On a un séminaire emmené par mon collègue Jean-Frédéric Chaube et ma collègue Sylvia Sébastiani, en particulier sur les questions de race, mais aussi avec une historienne de l'art, Anne Lafont, qui travaille aussi sur ces questions du côté de l'histoire de l'art. Et ces trois chercheurs, justement, essayent de constituer un espace scientifique dans lequel on aborde les questions, je ne dirais pas d'une façon sereine, parce qu'elle a un mot un peu plat, mais tout simplement scientifique, et en essayant de se déconnecter des polémiques, des caricatures, des violences aussi, qui existent dans le débat médiatique, entre ceux qui considèrent que aborder ces questions est une menace, une monstruosité, ou un effet de mode, quelque chose qui menace la liberté académique, et puis les autres, qui utilisent ces approches-là pour armer des combats militants. Je trouve que il y a là un jeu de rôle qui polarise, à mon avis, de façon excessive des débats qui peuvent avoir une teneur scientifique, posée, apaisée, et qui permettent de soulever de nouvelles questions que les sciences sociales avaient un peu laissé à l'écart, ou n'avait pas affronté de face dans les 30 ou 40 dernières années. Et il est vrai que depuis 10 ans, ont apparu dans le débat ces nouvelles questions. Alors, elles ont évidemment une dimension politique. Mais ça, je dirais que, à vrai dire, les sciences sociales ont toujours une dimension politique. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut les politiser ou qu'elles ont toujours été politisées. Mais il est vrai que sur ces deux questions-là, le genre et la race, il y a souvent une confusion, je trouve dommageable, entre la recherche scientifique, relevant des sciences humaines et sociales, et des engagements militants, ce qui crée des zones de recouvrement qui hystérisent un peu le débat et rendent parfois la recherche difficile pour les chercheurs qui s'emparent de ces questions. C'est-à-dire précisément que certains chercheurs sont engagés et sont militants, ou alors c'est la manière dont les militants vont s'emparer de ces études? Non, je veux dire que un certain nombre de chercheurs dissimulent en quelque sorte leurs engagements militants derrière une apparence de recherche. Et de ce point de vue-là, on n'a pas toujours des lumières suffisantes pour savoir à qui on a affaire. Est-ce qu'on a affaire à un militant ou est-ce qu'on a affaire à un chercheur? L'autre critique, c'est qu'il y aurait une forme de spécialisation dans les sciences sociales, les femmes faisant des études de genre, et puis les chercheurs racisés étant des formes de porte-parole autoproclamées à travers leurs travaux, des minorités exposées aux discriminations. Alors, je pense que là aussi, c'est quand même une vision assez limitée. D'abord parce que la plupart des chercheurs qui travaillent sur les discriminations ne sont pas nécessairement eux-mêmes exposés aux discriminations dont ils parlent. C'est mon cas, par exemple. Mais il y en a plein d'autres qui seraient concernés. Ensuite, parce que le fait d'être soi-même exposé aux discriminations ne veut pas dire qu'on perd sa dimension scientifique et qu'on serait du coup par nature militant, en tout cas qu'on serait dans la subjectivation de sa propre expérience à travers son travail en sciences sociales. Et donc là, je trouve que c'est une vision relativement déformée de ce qui est en train de se produire. Le fait est qu'il est important qu'il y ait plus de chercheurs qui soient eux-mêmes issus de milieux racisés. D'abord parce que ça prouve qu'on serait moins discriminant dans l'accès à cette parole dans le champ scientifique. Et il me semble qu'en France, on a pris énormément de retard sur ce plan-là, d'ailleurs en sociologie, où il semblerait que ce soit encore plus compliqué de passer quand on est soi-même... racisé que dans d'autres disciplines, par exemple en sciences physiques ou en biologie. Donc il y a quand même une sorte de d'idiosyncrasie des sciences sociales qui parle beaucoup d'égalité et qui pratique l'inégalité de façon peu réfléchie, en tout cas sans cette réflexivité sur ses propres pratiques, il me semble qu'il serait utile de l'avoir. Donc cette critique-là, elle est quand même problématique parce que en fait, elle reprend une vieille thématique. Sayad lui-même, Abdel Malek Sayad, écrivait à propos des recherches sur l'immigration que c'était une science du petit fait par des petits, c'est-à-dire que l'illégitimité de l'objet, parler de l'immigration, se reportait sur ceux qui en parlaient, les chercheurs qui eux-mêmes étaient toujours taxés de militantisme. De la même façon que les chercheurs qui travaillaient sur le patriarcat ou les inégalités entre femmes et hommes étaient taxés de féminisme et donc étaient des militantes et pas des chercheurs. On en est revenu. On peut concevoir qu'il y a, aussi évidemment des compétences méthodologiques, épistémologiques chez tous ces chercheurs et que le fait de travailler sur un objet politique ne veut pas dire qu'on est politique en tant que tel. C'est le fait d'être noir ou arabe, le fait d'être musulman peut être utilisé pour disqualifier en soi le discours qui est produit. Et donc ça, on le vit même dans le monde académique. Alors, moi-même, vu ma trajectoire, vu mon nom, peu importe ce que j'écris, peu importe les articles dans les revues à comité, les livres, les conférences, les fellowships que j'obtiens, etc., je serai et je suis toujours qualifié par ces intellectuels comme un sociologue militant. Les chercheurs racisés, eux aussi, sont racialisés. Et ce qui fait que leur parole n'a pas la même valeur que la parole d'autres personnes. Et il me semble que c'est un des nœuds du problème. Plus on s'élève dans la hiérarchie, plus des personnes qui sont minoritaires occupent des positions qui leur étaient jusque-là interdites, plus la racialisation est forte, dans la mesure où ils remettent en cause des positions de pouvoir. Et c'est vrai pour les personnes racisées, mais c'est aussi vrai pour les femmes. Donc les femmes, dès lors qu'elles commencent à occuper des positions de pouvoir de plus en plus importante, la pensée, le discours masculiniste est devenu de plus en plus important. Et ce n'est pas un hasard si le mouvement masculiniste a explosé dans les années 70-80, c'est parce qu'il y avait des avancées de la cause féministe, même qui bien sûr pas terminée. Et on est dans la même logique pour les personnes racisées. Je crois que dans l'université elle-même, ce qui se passe aujourd'hui, et pour ma part je m'en réjouis, Éric Fassin, Université Paris 8. C'est que une discussion sur la question raciale, qui était presque exclusivement, il y a 15 ans, une discussion entre personnes qui ne subissent pas le racisme, j'en suis un exemple, c'est-à-dire des personnes qu'on pourra qualifier de blanches, non pas en raison de leur couleur de peau, mais en raison de leur expérience sociale, eh bien cette différence d'expérience sociale, qui paraissait extérieure au monde universitaire, au monde de la recherche, au monde intellectuel, aujourd'hui, elle se pose dans le monde intellectuel, dans le monde culturel, dans le monde universitaire et de la recherche. De plus en plus, il y a des voix nouvelles. Il n'y a plus seulement les personnes dont on parle, mais il y a aussi des personnes qui parlent et qu'on n'entendait pas avant. C'est-à-dire que on a vu la constitution de ce qu'on peut appeler des contre-publics. Le monde scientifique est moins uniformément blanc qu'il ne l'était hier, et pour ma part, j'espère qu'il le sera encore moins demain. Je pense que c'est ça, foncièrement, qui explique le trouble ressenti par un certain nombre de gens, et exprimé parfois avec une virulence qui semble dire une inquiétude sur le monde tel qu'ils l'ont connu. Vous avez le sentiment, vous, que ces tensions existent au sein de l'EHESS, ou en tout cas qu'il y a une forme de radicalisation, soit par le biais des réseaux sociaux, soit par le biais des associations? Je pense que dans le monde universitaire plus large, ou dans le monde de la recherche, l'EHESS n'est pas le foyer principal des mouvements qui s'intéressent au thème de la décolonisation. Michel Viviorca, président de la FMSH. Il y a beaucoup de gens qui s'intéressent au genre à l'EHESS, mais ce n'est pas le lieu où se cristallise le plus la construction de ces débats. Je ne vois pas l'EHESS s'enflammer autant que d'autres lieux universitaires. Je pense que, par exemple, à Paris 8, on parle beaucoup plus postcolonial, décolonisation, etc. Je ne dis pas qu'on n'y parle pas du tout à l'EHESS, bien entendu. Donc, si les gens qui portent ces questions en termes postcoloniaux, en termes même de racisés, etc., s'ils veulent bien discuter avec moi et moi avec eux, c'est très bien. Ici, j'ai créé à la Fondation, j'ai créé une plateforme de recherche internationale sur les questions de racisme et d'antisémitisme. Donc, c'est des sujets, c'est nos sujets, c'est ce dont on... Eh bien, cette plateforme, elle est ouverte au débat. Il y a des séminaires, il y a des réunions... Et on parlera de ces questions-là. Et on en parlera de manière très ouverte. Mais à condition qu'on puisse en parler. Si des gens disent, on n'a plus le droit de parler de telle ou telle façon, ça ne m'intéresse pas. Même si je pense qu'ils ont plutôt raison. En fait, je ne comprends pas bien ce que vous voulez me dire. C'est-à-dire qu'il y a des chercheurs en sciences sociales qui refusent le dialogue, des chercheurs sur ces questions-là. Écoutez, dans la salle même où nous faisons cet entretien, un jour, cette salle a été envahie par une vingtaine d'étudiants et peut-être un ou deux chercheurs de l'École des hautes études en sciences sociales. Alors, c'était un séminaire École des hautes études et FMSH, mais peu importe, j'ai été envoyé. Et j'ai été traité de mâle dominant blanc. Alors, voilà, c'est ce que j'appelle refuser le dialogue. Parce que quand on me traite de mâle dominant blanc, c'est difficile d'engager le dialogue. Alors que la jeune fille était bien blanche, suisse, là, celle qui a utilisé cette expression, et elle avait pas l'air spécialement dominée. Mais bon... C'est comme ça. Donc, moi, je veux bien discuter, je veux bien en débattre. Mais si on vient, qu'on envahit mon séminaire et que on ne laisse pas le débat, y compris se tenir sur ce genre de questions, là, ça ne va plus. Je suis, je vous ai dit libéral, disons plutôt profondément démocrate. J'estime qu'en démocratie, nous devons construire la capacité de réfléchir à ce qui nous sépare, à ce qui nous divise. Si nous n'en sommes pas capables, eh bien, on va vers l'intolérance, la violence... Et le non-débat. Isabelle Barberis, vous êtes maître de conférence habilité en art du spectacle à l'Université Paris 7. Vous avez noté un regain de tension au sein de l'université ? Oui, c'est, enfin, bien sûr. Oui, c'est quelque chose de très très dur hein, à vivre. Ce qui est difficile, c'est notamment cette espèce de détérioration de la collégialité, de ce principe un peu vague, mais qui est très démocratique, en fait, de la collégialité qui permet le débat et la coexistence d'idées et d'analyses pluralistes en sciences humaines. Donc, on a besoin absolument de cette collégialité et de ce pluralisme. C'est absolument nécessaire à la survie et à la qualité, vraiment à la qualité de nos disciplines. Or, l'un des problèmes du décolonialisme, etc., c'est que lorsque vous êtes critique envers ces positions, vous êtes systématiquement renvoyé dans les corps du racisme, du fascisme. Donc, ce sont des points de vue infalsifiable. Donc, lorsque vous exprimez une critique, ce qui vous arrive dessus, ce sont des insultes, voire des menaces. De récentes affaires comme Sylviane Agacinski, etc., étant donné la surface symbolique de Sylviane Agacinski, ont suscité un peu plus de réactions. Mais ces affaires sont extrêmement, en fait, courantes. Elles sont, il y en a plusieurs par mois dans toutes les universités françaises de phénomènes, d'anathèmes, de condamnations, de conférences empêchées, de menaces, d'insultes. Apodioxis, hein, c'est-à-dire vous avez c'est une figure qui veut dire en fait, je ne serrerai plus, je ne veux même plus discuter avec vous, c'est trop nauséabond, hein, c'est trop nauséabond. Ce qui est une sorte quand même de retournement de la charge, parce que pour ma part et pour les collègues que je connais qui sont victimes de ce type de cabale, de destruction de l'image professionnelle et symbolique, moi en tout cas, nous nous présentons généralement comme non-militants. Donc, et c'est ce qui, précisément, c'est ce qui nous est reproché. Voilà. Donc oui, les tensions, le regain des tensions est difficile à vivre, d'autant que la précarisation de la recherche en France est une réalité. Donc ça s'ajoute, si vous voulez, à ce à ces sujets-là. Le financement des recherches décoloniales et en gender studies hein, signifie aussi le non-financement de toute une série, voilà, de d'autres approches, puisque les financements ne sont pas extensibles à l'infini par les temps qui courent. Alors ça, moi, je pense que c'est un mythe. L'entrée dans les institutions universitaires d'un champ de recherche décolonial qui serait de plus en plus reconnu, installé, qui détiendrait des ressources, un certain pouvoir, et qui en plus serait un pouvoir totalitaire qui exclurait de fait d'autres courants de pensée. Je pense que on n'observe pas cette montée en charge du nombre, par exemple, d'enseignants-chercheurs ou de départements d'université qui se réclameraient explicitement de cette forme de recherche ou de pensée, et qui serait en situation de pouvoir recruter des personnes partageant ces idées, et à l'inverse, de mettre de côté, de marginaliser des chercheurs qui ne partageraient pas leurs idées. Je sais que c'est ça l'accusation qui a été portée. Je trouve qu'elle manque singulièrement d'éléments empiriques pour pouvoir se supporter. Mais je conçois que ça soit plus difficile de transmettre un savoir que moi j'aurais tendance à qualifier de hors sol vis-à-vis de ce qui se passe dans la société française aujourd'hui, et que les étudiants soient moins réceptifs, et que du coup ça puisse déstabiliser un certain nombre de collègues qui avaient l'habitude de faire ce type de cours en ayant une certaine forme d'assentiment, en tout cas de réception par les étudiants. Alors après, penser qu'il y a des cabales qui, bah, de façon délibérée, essayer de les marginaliser à l'intérieur de l'université française, moi, je trouve ça excessif. Après, j'ai pas tous les éléments en main, mais je ne pense pas, de ce que j'en connais, que ça soit la situation qui se produise. Mais c'est vrai qu'il y a des transformations. Ce qui est important, et moi, ce que j'observe, Clyde Plumosil, chercheuse, c'est que, de fait, il est vrai que les étudiants et les étudiantes s'approprient un droit de regard qui me semble nécessaire sur le savoir qui leur est délivré. C'est-à-dire que, très longtemps, on a délivré un savoir qui était construit au neutre masculin, en prétendant par ailleurs embrasser la totalité des existences. Et dorénavant, ce savoir-là peut être critiqué, remis en cause. De la même façon, on n'a pas interrogé les textes canoniques, les chercheurs canoniques qui fabriquaient nos disciplines. C'est-à-dire que, évidemment, on le fait régulièrement, cette interrogation, mais d'une certaine manière, c'est important que les générations qui nous suivent, donc les étudiants et les étudiantes que nous avons en face de nous, puissent également remettre en cause d'une certaine manière les savoirs acquis par nous, et surtout nos impensés. Oui, bien sûr, maintenant, quand on va donner un texte de Victor Hugo, on peut défendre le grand républicain qu'il a été, mais aussi voir qu'à un moment de sa carrière, il a été un grand défenseur de la colonisation. De la même manière, quand on va donner un texte littéraire, qu'on va faire lire par exemple André Gide, on peut vanter telle technique stylistique, mais on ne peut plus faire l'impasse sur le fait que les récits racontés, par exemple, s'inscrivent dans des formes de pédocriminalité. De la même manière, moi, je suis très sensible à cette pratique qui a été très décriée, voire de manière générale tournée en dérision par beaucoup d'universitaires en France comme aux États-Unis, celle du trigger warning. C'est-à-dire que, par exemple, quand on va donner un texte à lire où il est mention de viol ou de violence physique, on prévient les étudiants et les étudiantes, pour que celles et ceux qui ne veulent pas être confrontés à ça, parce que ça renvoie par exemple à une expérience douloureuse, puissent ne pas le lire. Et ce qui est intéressant, c'est que tout de suite, on voit ça comme une forme de censure de la pensée. Au contraire, pour moi, c'est une augmentation de la pensée. C'est déjouer des choses qui seraient de l'ordre de « c'était l'époque » ou « mélangeux n'est pas là », donc déjouer d'une certaine manière les choix que nous, on a décidé de mettre sur telle idée, tel texte, tel personnage, et comprendre la complexité et la pluralité de ce qui fait une pensée, de ce qui fait un individu. Et moi, je trouve ça important qu'on ait ces débats, même si ça met en permanence dans une situation d'inconfort. Je pense qu'effectivement, peut-être certains de nos collègues ont du mal avec cette critique qui, d'une certaine manière, ne s'arrête jamais. Moi, j'ai assez confiance dans le fait que, quand bien même là, on est un peu pris dans le tourbillon des choses, à un moment, le tourbillon s'apaise un peu plus pour qu'on voit ce qui s'est sédimenté et qu'on arrive à construire des savoirs les plus inclusifs possibles pour toutes et tous et qui soient les plus vigilants par rapport aux impensés qu'ils peuvent éventuellement continuer de véhiculer. On sent beaucoup dans les universités la montée d'une nouvelle génération. Christine Barre, historienne, Université d'Angers. Qui est celle de la troisième vague du féminisme et des luttes LGBTQI+. C'est une génération très militante, très politisée, bien plus que ne l'a été ma génération. J'avais leur âge dans les années 1980 et c'était un creux de la vague pour le féminisme et le début de quelque chose du côté du mouvement LGBT. Donc les voir aussi bouillonnants et aussi conscients de tas d'enjeux politiques, sans oublier l'antiracisme, c'est vraiment réjouissant. Et Aléi nous apprennent beaucoup sur certaines questions. Ils sont plus affûtés que leurs professeurs, je trouve, parce qu'ils appartiennent à des groupes de discussion ou des groupes militants qui sont déjà un pas plus loin sur certaines questions. Sur quelles questions, par exemple ? Sur le langage, par exemple. C'est fondamental. Le genre, il est véhiculé par le langage. C'est une des dimensions fondamentales. Et voir avec quelle facilité ces étudiantes et ces étudiants changent les mots, disent « il », par exemple, ou « sielleux », ou « toust ». Moi, je m'y fais très vite. J'ai aucune réticence. Mais certains de ces étudiants et certaines de ces étudiantes m'ont appris de nouveaux mots. C'est venu des étudiantes. Notamment l'écriture inclusive, c'est justement un des sujets de discorde actuellement à l'université. Récemment, Céline Masson, Université Paris Diderot. Notre collègue Jean Slamovic, vous allez me dire c'est différent. C'est des collègues de linguistes, féministes, d'un militantisme néo-féministe, comme on dit aujourd'hui, voilà, ce néo-féministe, qui souvent, j'allais dire, fricote avec les décoloniaux. Ça va souvent ensemble. Le néo-féminisme décolonialiste. Voilà. D'abord, on appelle ça comme ça, je crois. Une forme de féminisme décolonialiste. Décolonial. Donc, c'est tout à fait associé, vous voyez, à ce militantisme-là. Donc, voilà. Le collègue a été exclu. On a voulu lui annuler un de ses séminaires parce qu'on considérait qu'il était sexiste, raciste, parce qu'il écrivait dans Causeur. Il a écrit des tribunes dans Le Monde par ailleurs, mais bon, ils sont allés voir dans Causeur. Et donc, on juge. Voilà. C'est vraiment le tribunal, vous voyez. C'est la vindicte populaire. On met au pilori des collègues parce qu'ils ont écrit dans tel ou tel journal. Si on écrit dans le Figaro, on n'ose même pas montrer un lien, vous voyez, du Figaro, parce que on serait tout de suite taxé de raciste et je sais pas quoi, de réactionnaire. Voilà. Donc on n'ose même plus, vous voyez, les collègues n'osent même plus parfois montrer un lien du Figaro. Faut qu'on en ait quand même là. Moi, je le fais évidemment, mais j'ai des collègues, ils n'osent pas, quand ils disent que c'est intéressant, ils n'osent pas parfois me dire que c'est intéressant, la tribune du Figaro. Parce que c'est le Figaro. Vous voyez, voilà, il y a une sorte de censure, on a vraiment l'impression de censure à l'université. On peut dire ça et pas ça. Si on n'écrit pas en écriture inclusive, on est sexiste. Notre collègue a fait un livre sur l'écriture inclusive pour dénoncer, en tout cas en tant que chercheur, pas en tant que militant. Lui, c'est un chercheur, un linguiste. Ce genre de choses, c'est tous les jours. Encore une fois, nous sommes dans un régime de liberté et les collègues, me semble-t-il, disent ce qu'ils ont envie de dire. Ça ne veut pas dire qu'à l'intérieur des séminaires, je ne sais pas d'ailleurs ce qui se passe dans tous les séminaires, nous en avons plus de 1000, donc c'est un peu beaucoup, qu'il n'y ait pas eu des discussions parfois un peu musclées. Mais franchement, ça me semble tout à fait normal sur n'importe quel sujet. Je vais vous donner un exemple récent. Collègue anthropologue Emmanuel Desvaux avait pris dans le Figaro, signé une une tribune qui portait sur la PMA. Et il avait pris une position d'hostilité à la PMA. Il a été, évidemment, je ne sais plus dans quel cadre, peut-être sur les réseaux sociaux ou personnellement, interpellé, comme il est bien normal lorsqu'on prend une position. Mais ça n'a pas du tout eu de conséquences sur l'établissement. Il y a quelques années, cet anthropologue aussi, ce chercheur, a publié un livre aux éditions de l'École des hautes études dans lequel il mettait en question, de façon théorique et appuyée sur ses travaux à lui, la notion de genre. Ça a suscité très peu de débats et il a été publié par l'École des hautes études en sciences sociales sans que cela conduisent les collègues qui pensent exactement le contraire à l'interdire, à brûler son livre, à le piétiner, quoi que ce soit. Donc je crois qu'encore une fois, ceux qui jugent qu'il y a le feu à la maison et qu'on ne peut plus rien dire, plus rien penser, auraient intérêt à regarder les choses un peu plus près. Il y a fort longtemps, mais ce qui a pu se passer en 68 aussi à l'université. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a là une différence fondamentale où il s'agit, là encore, voilà, d'un mouvement d'émancipation, en tout cas une prise de conscience générationnelle et idéologique qui se joue là, ou est-ce qu'on est dans autre chose ? Je ne ferai pas la comparaison clair, hein. avec mai 68. Pour moi, le cœur de 68, le cœur, ce n'est pas tout 68, mais le cœur étudiant de 68, qui n'est pas seulement étudiant, c'est ce que Edgar Morin a appelé une brèche culturelle, c'est-à-dire l'idée qu'il faut en finir avec l'archaïsme dans l'université comme dans toute la société. On oublie à quel point cette société a été archaïque. Il y avait une seule chaîne, je crois, de télévision, peut-être deux. Le pouvoir des profs, des mandarins, était quelque chose d'énorme. Et par conséquent, 68 a d'abord contesté ça. Bon. Et 68 a voulu faire la liaison avec le monde ouvrier. 68 a apporté une parole plutôt universelle. Je pense que dans les débats actuels, les choses sont beaucoup plus fragmentées. Il y a des acteurs qui veulent porter une parole universelle, mais il y a aussi beaucoup de relativisme, beaucoup de fermeture, de repli sur soi, d'appel non pas tant au conflit, au débat, au dialogue, que d'appel à la rupture, et parfois ça débouche sur une certaine violence. Donc le climat n'est pas le même. Je pense que tout ça mérite d'être nuancé, mais je trouve qu'il y a beaucoup d'intransigeance, d'intolérance dans les prises de position que je perçois sur certains de ces enjeux, et qu'il est difficile de construire un débat aujourd'hui. C'est très, très difficile. Il y a des gens qui sont plutôt d'un côté, des gens qui sont plutôt de l'autre. Ceux qui disent vraiment, essayons de réfléchir ensemble, c'est difficile. Je dis pas impossible, mais c'est difficile. C'est ça qui me frappe. Il n'y a pas cette 68, c'était dans la rue, on s'arrêtait pour discuter les uns avec les autres, des gens qui ne se connaissaient pas. Il y avait une formidable envie de discuter, d'échanger. Il n'y a pas eu que ça, bien sûr. Je trouve qu'il y a beaucoup moins de ça aujourd'hui. Et puis, il y a autre chose aussi dans un certain nombre de discours, qui est l'idée qu'on ne peut pas parler de quelque chose si on ne l'a pas vécu soi-même. En parler, je ne dis pas y réfléchir, mais en parler publiquement. Il faut avoir vraiment une vision générale de ces enjeux, parce que les thèmes, disons, postcoloniaux, décoloniaux, peuvent porter en eux une critique du racisme, que je partage. Ils peuvent devenir antiracistes, comme je crois nous tous, mais ils peuvent aussi déraper, dériver. Et c'est là où je pense qu'il faut mener des réflexions. J'avais été outré quand des enseignants, donc là je ne vous parle pas de l'HESS ou d'une telle ou telle université, quand des enseignants de Sud Éducation, 93, avaient organisé un stage dans lequel il y avait des moments où des participants au stage se mettaient entre racisés. Je suis tout à fait pour que les White Watchers discutent entre eux pour et se réunissent pour perdre du poids, que les alcooliques anonymes se réunissent pour ensemble essayer de ne pas retomber dans l'alcool, bien entendu. Mais donc je n'ai rien contre ces moments, bien entendu. Mais je suis absolument révulsé quand je vois que ça débouche sur l'idée qu'il y a les racisés et les autres, que il y a et que c'est la guerre. Et que c'est la rupture, et que c'est l'affrontement, qu'il n'y a rien d'autre. Ah bon, alors il y a quelque chose qui est évident, qui saute aux yeux, et n'importe qui de bon sens et avec un minimum d'honnêteté sans mauvaise foi trouvera terrible aujourd'hui ici en France. Laurent Lotti, CNRS. Les colloques ou parties de colloques qui se déroulent de manière non mixte. Il s'agit pas de non-mixité homme-femme, il s'agit de non-mixité raciale, c'est-à-dire que ces associations ou certains universitaires qui soutiennent ces associations et les font entrer à l'université prétendent qu'il serait bon, pour lutter contre le racisme, de mettre en place des colloques ou des parties de colloques non-mixtes racialement. Ça saute aux yeux. C'est assez manifeste que ça va consister non pas à permettre de mieux lutter contre le racisme, mais à renforcer le racisme. Comment allez-vous oser dire que telle personne ne va pas avoir le droit d'être accueillie dans telle après-midi ou matinée de journée d'études parce qu'il serait non blanc, ou non noir. Enfin, écoutez, j'en perds mon latin et ma définition des couleurs de noir et blanc. Voilà. Bon, c'est une abomination. Ça consiste à prédéfinir le public par sa couleur de peau. Il s'agit de colloques qui ont eu lieu dans des locaux universitaires. D'accord. Parce qu'en l'occurrence, le MLF, dans les années 70, a organisé des réunions non mixtes, justement. Oui, bonne remarque. La réponse est un peu difficile et compliquée. Donc, bien sûr, il y a eu ça. En fait, c'est une erreur de mettre sur le même plan, je crois, les questions de différences sexuelles et les questions de différences raciales. Il y a des hommes et des femmes dans tous les groupes humains. Et on peut comprendre que dans les années 70, est-ce que c'était dans les années 60, est-ce que c'était toujours une bonne idée, peut-être pas toujours, des femmes aient eu besoin à quelques moments de parler de quelques problèmes qui touchent, à mon avis, les hommes et les femmes, mais peut-être d'abord encore plus les femmes. Bon, je pense à l'avortement, ou je pense à la contraception, ou je pense à des rapports de force violents domaine sexuel. Bon. Libre à chacun de créer des associations, de militer, etc. C'est vraiment un droit qu'on a tous en tant que citoyens, créer des associations. Par contre, dans le milieu académique, ça me semble quand même poser problème, étant donné qu'on prône quand même des valeurs universalistes, républicaines, et que ce militantisme-là a tendance effectivement à quand même remettre en question ces valeurs républicaines. Et c'est vrai qu'on touche quand même un public de jeunes étudiants qui ne connaissent pas encore très bien, qui sont séduits, il faut quand même dire le mot, ils sont séduits. Et ça, moi, j'ai quand même eu des enregistrements qui ont été faits dans des amphithéâtres, dans différentes universités, par des étudiants, des anciens étudiants qui m'ont transmis les enregistrements. Et j'ai entendu ces conférences donc de militants associatifs auprès de jeunes publics étudiants, je trouve que ça pose question. Quel était le discours de ces associations ? De parler de domination blanche, de séparatisme, même en prônant des ateliers non mixtes, en séparant des femmes musulmanes de femmes non musulmanes blanches. Ça, c'est aussi des syndicats étudiants qui ont facilité et soutenu ce genre d'ateliers pour faciliter, je vais dire, soi-disant la parole de ce public. Je peux comprendre qu'il y ait des personnes qui se sentent discriminées. Moi, je suis tout à fait pour l'organisation de groupes de parole, mais pourquoi exclure des femmes blanches? Et rien que la dénomination, vous voyez, de femmes blanches me questionne. Vous voyez, c'est ça quand même qui nous pose problème, encore une fois, à l'université, qui est le lieu de d'ouverture à tous, quelle que soit sa culture, ses origines, etc. Qu'il soit gay, parce que là aussi, il y a parfois aussi organiser des ateliers non mixtes de femmes de cis, trans, enfin bref, voilà, aussi, donc c'est vraiment... Il faut voir quand même jusqu'où on va. Donc c'est cette remise au goût, j'allais dire, du débat de ce mot race et d'utiliser mot race, effectivement, pour séparer, encore une fois. On peut réfléchir sur des concepts, ça, il n'y a pas de problème, mais on en fait un usage, si vous voulez, il y a presque un pragmatisme de la race, de la notion de race aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on l'acte dans le champ social. Vous voyez, c'est pas seulement intellectuel. On a tendance à penser que, voilà, il y a un groupe social qui serait inférieur, supérieur aux autres. Enfin, c'est vraiment un retournement. Et effectivement, sous le couvert de l'antiracisme, en fait. Alors que c'est vraiment la même chose en miroir, si vous voulez, que le racisme. Le racisme sépare. L'antiracisme, cet antiracisme-là, sépare aussi. Quel est le problème d'une réunion non mixte? D'autant plus quand ce sont des réunions à laquelle jamais les personnes qui les attaquent n'iraient. Je pense que ça permet de rendre visibles les groupes sociaux que les rapports de pouvoir organisent dans notre société. Et moi, je trouve ça extrêmement important, la pratique de la non-mixité, non pas parce qu'elle est exclusion permanente d'autres groupes sociaux, mais parce qu'elle est rassemblement ponctuel, stratégique et nécessaire pour faire comprendre à des individus ce qu'ils vivent. Et cette prise de conscience, elle est nécessairement permise par le fait d'être d'un entre-soi qui permet la sécurité de l'expression de son ressenti et notamment d'un ressenti de domination à l'égard d'autres catégories qui, si elles étaient présentes, ne permettraient pas une même expression. Parce que ce qui est important, c'est que les réunions non mixtes, on les voit toujours comme des fins en soi de l'action politique, militante et scientifique de ces associations, alors même qu'elles sont un des moyens de la diffusion et de la production de leur savoir. Moi, dans mon université, les tensions qui sont très récentes... Audrey Célestine, Université de Lille. Elles sont liées au refus par certains collègues du terme intersectionnalité. Et en fait, une fois qu'on discute un peu, on se rend compte qu'ils y connaissent pas grand-chose et que, en fait, ils ont peur de ce qu'ils comprennent, des appropriations par le monde militant de ce concept. Mais par contre, ils prennent pas du tout au sérieux 30 ans de recherche académique sur le sujet, ni l'application depuis quand même 10-15 ans par un certain nombre de chercheurs, et puis même parfois bien plus que cela, de tout cela. Donc je vois des formes d'hystérisation par des collègues qui, en plus, c'est ce qui est assez drôle, c'est qu'ils considèrent que les gens qui mobilisent ces concepts sont eux les idiots utiles de tous les gros méchants racialistes qui existent dans ce pays. C'est-à-dire ? Alors, le terme que les opposants aiment beaucoup, c'est les indigénistes. Vous faites les indigénistes, vous êtes des islamo-gauchistes. Enfin voilà, c'est des termes qui sont régulièrement mobilisés, alors qu'on passe notre temps à définir ce qu'on fait et puis à essayer d'approcher les choses de manière un petit peu fine. En revanche, des tensions autour de... Enfin, je vous dis ça, moi, dans mon université, c'est pas comme ça. À Paris 8, c'est sans doute un peu différent, mais y compris au moment où était organisé, je crois que c'était les paroles non blanches, qui étaient organisées à Paris 8, des collègues identifiés comme blancs, ils sont allés, ils écoutaient ce qui se passait. Enfin, je veux dire, il n'y avait pas des gens avec un nuancier à l'entrée pour filtrer les entrées. Et donc, on peut tout à fait se dire que c'est un problème ou être contre politiquement des réunions non mixtes, etc. Ben, moi, j'estime que c'est pas trop mon truc, mais que c'est en revanche des gens avec qui je peux discuter. Je peux estimer que c'est pas forcément une bonne stratégie de faire ça, mais que je vois quand même que l'idée, c'est d'éduquer les uns et les autres à l'antiracisme, de le faire sans subir de micro-agressions. Alors, est-ce que c'est le meilleur moyen de le faire? Je sais pas. En revanche, je pense que la discussion est ouverte et que focaliser comme ça sur des choses qui sont quand même extrêmement ponctuelles et extrêmement rares, c'est contribuer à créer un problème. Quand, par ailleurs, la question du racisme et des discriminations sont pas du tout pris au sérieux. Et du coup, voilà, je pense qu'il y a beaucoup de décalage. Je suis pas très optimiste sur les capacités à discuter vraiment ensemble, mais à partir du moment où ces collègues se sentent plus concernés par un pseudo-assaut de l'université par les racialistes et les décoloniaux, plutôt que par le racisme qui est subi, notamment par leurs étudiants et leurs étudiantes, et par les gens dans le monde social réel en général. Voilà, je pense que la discussion, elle est compliquée quand même. Moi, je suis vraiment militante aussi pour l'égalité des droits entre les hommes et les femmes, l'égalité au travail, même les professeurs d'université, là, il est question aussi que c'est vrai qu'il y a plus d'hommes que de femmes. Je suis évidemment pour qu'il y ait une parité, qu'on ait autant... Bon, une parité, d'accord, ça, c'est pas le problème, mais de là à vouloir, comme dit ces Jeanne Fontaine, comment elle s'appelle, Jeanne Fontaine, qui a un clip, là, qui est suivi par plein de jeunes, où elle dit, il faut châtrer les psychiatres, il faut châtrer les mâles blancs, bon, sur un clip qui circule sur YouTube, Jeanne Fontaine. J'ai oublié son nom. C'est bon, elle a déjà une certaine, c'est une militante féministe des années 70, mais c'est quand même, et c'est intéressant, les jeunes sont très sensibles. Et j'ai vu, effectivement, les hommes comme les femmes, les jeunes étudiants, hommes, étudiants et étudiantes. Donc, c'est, voilà, je ne sais pas très bien s'ils savent ce qu'ils disent. Et je pense qu'il y a un tel vide aujourd'hui idéologique, existentiel, politique, que, voilà, c'est, il y a de quoi faire avec, voilà, on leur redonne un espoir, une idée de combat, vous voyez, c'est, on redonne une énergie là où peut-être c'était, quelque chose était retombé du combat, de la lutte pour, voilà. Aujourd'hui, c'est cette lutte là, mais, le problème, c'est que je suis pas sûre que ça permettra à notre société de aller de l'avant. Et vous voyez, là, on est en train de plutôt diviser là où avant la lutte rassemblait tout le monde. Elle a les mêmes, elle emprunte au discours ambiant, si vous voulez, décolonial et néo-féministe. Et donc, ça plaît aux jeunes. J'ai vu les commentaires des jeunes. Ils sont contents. Châtrer les mâles blancs. Ben, ça, vous n'aviez pas ça. Je pense pas, les années 70. Les hommes, mais pas forcément les mâles blancs. Vous voyez, aujourd'hui, c'est châtrer les mâles blancs, les psychiatres, les psychiatres, et vivent là, je sais pas, enfin, bref, il faut l'écouter. Assez parlementé, vive la lutte armée! Ah bah, le cercle se fort, à mort, à mort, à mort! À bas, le sexe fort. À bas, à bas, à bas. Assez parlementé. Vive la lutte armée. Assez parlementé. Vive la lutte armée. Climat orageux dans les amphis. Vive la lutte armée. Avec Patrick Simon, Abdelali Adjat, Christophe Prochasson, Éric Fassin, Michel Viviorca, Isabelle Barberis, Clyde Plumosil, Christine Barr, Céline Masson, Audrey Célestine et Laurent Lotti. Prise de son, Georges Thau, Benjamin Thuot, Yvan Turc, Yves Lehorse et Antoine Espel. Mixage, Claire Levasseur. Coordination, Perrine Kervran. Attachée d'émission, Marie-Vonne Abolivier. Un documentaire de Christelle Le Polotec et Somanine.